Bonjour. Dans les épisodes précédents, je vous ai présenté un moment fondateur de l'histoire de la musique aux États-Unis, communément nommé dans l'historiographie le débat Dvorak. L'appel du compositeur tchèque à utiliser des mélodies nègres et autres chants du peuple américain pour fonder une musique savante nationale a reçu, comme on l'a vu, une réception mitigée. Ce débat va continuer à alimenter les échanges entre compositeurs et critiques musicaux durant de nombreuses années, tandis que de plus en plus de compositeurs vont chercher leur inspiration dans les musiques folk. Dans cette nouvelle partie, nous allons discuter de deux compositeurs appelés par une musicologue indianiste qui utilisent des musiques amérindiennes dans leurs compositions. Il s'agit de Edward McDowell et de Arthur Farwell. En décembre 1890, le massacre de Wounded Knee signe la fin des guerres indiennes et l'achèvement de la conquête de l'Ouest. Les Amérindiens, auparavant perçus par les Euro-Américains comme une menace, ont tous été exterminés ou parqués dans des réserves. Des récits sensationnalistes de la conquête, diffusés par les romans à quatre sous, les peintures, la photographie, les spectacles itinérants et plus tard par le cinéma, mettent en scène la lutte de pionniers vertueux et courageux face à des hordes d'Indiens sanguinaires. En parallèle, l'image romantique du Vanishing Indian présente les Américains sous les Amérindiens, c'est un bon lapsus, sous les traits de nobles sauvages, vestige d'un état de nature antédiluvien mis à mal par l'avancée inéluctable de la civilisation. La vogue romantique autour de ce thème du Vanishing Indian imprègne de nombreuses productions musicales, de chansonniers populaires comme de compositeurs. Certains de ces derniers, qualifiés a posteriori d'indianistes, utilisent comme source d'inspiration des transcriptions de mélodies amérindiennes publiées dans divers ouvrages ethnographiques, en particulier ceux de Theodore Baker et d'Alice Fletcher. Le mouvement indianiste coïncide en effet avec les premières études et enregistrements sur cylindre de musique de divers groupes amérindiens. Ce sont des travaux qui seront abordés plus tard dans un prochain chapitre. Pour l'heure, je vous propose d'examiner les démarches et les méthodes de deux compositeurs indianistes du tournant du XXe siècle, très renommés notamment pour leurs œuvres s'inspirant de mélodies amérindiennes, donc Edward McDowell et Arthur Farwell. Les compositeurs dits indianistes n'ont pas tous les mêmes objectifs, ni la même manière d'assimiler et d'appliquer les musiques amérindiennes à leurs compositions. Une mise en regard des théories et procédés d'Edward McDowell et d'Arthur Farwell éclairera ces divergences et illustrera deux visions distinctes de ces musiques, que certains considèrent comme la seule musique sur laquelle il est possible de s'appuyer pour représenter fidèlement l'esprit de la nation. Pourquoi ces deux compositeurs choisissent-ils de se tourner vers les musiques amérindiennes et comment justifient-ils théoriquement ce choix? S'il ne fait pas directement référence aux déclarations de Dvorak, l'important compositeur new-yorkais, membre avec Payne, Chadwick et Beach de ce qui sera désigné comme la seconde New England School, Edward McDowell, prend part au débat sur la folk music et l'invention d'une musique nationale américaine dans un cours intitulé Folk Song and its Relation to Nationalism in Music, qu'il donne à l'Université de Columbia en 1895. McDowell jouit alors d'une excellente réputation aux États-Unis et sa seconde Indian Suite, composée dès 1892 et créée en 1896, est considérée par plusieurs de ses pairs comme un exemple à suivre pour développer une musique américaine nationale. Elle s'inspire librement de mélodies amérindiennes collectées dans les années 1880 par le musicologue américain d'origine allemande Theodore Baker. Paradoxalement, McDowell rejette l'idée défendue par Dvorak, selon laquelle la folk music posséderait un caractère national inhérent, exploitable par les compositeurs. Dans ce cours, donc qu'il donne à Columbia, le compositeur expose ses théories concernant l'origine et les premiers stades d'évolution de la musique, selon un paradigme évolutionniste, partant de musiques qu'il qualifie de primitives ou savage, évoluant vers des musiques barbares et puis ensuite folk. Il utilise cette généalogie pour démontrer que la folk music ne possède par essence aucun caractère national distinctif. Le premier stade de la musique, pour lui, serait une simple note, répétée en boucle, selon une formule rythmique simple. Je le cite, « tout comme l'origine du langage est à rechercher dans le mot ». Ce stade primitif évoluerait ensuite en un hurlement sauvage, « savage howl », qui se caractériserait par l'ajout de plusieurs notes à intervalles non définis, marquant l'apparition d'une volonté, et signifiant l'évolution donc vers le stade barbare. La troisième phase est marquée selon McDowell par la volonté d'exprimer une émotion, se manifestant par la montée de la voix et l'agencement cohérent de notes formant une mélodie, ce qui nous amène au stade folk. McDowell illustre ses propos par plusieurs figures musicales observées selon lui partout dans le monde, en Australie, dans les Caraïbes, en Hongrie, etc., mais dont il ne cite que très rarement les sources. En affirmant le caractère universel de ces trois principes fondateurs, McDowell récuse l'idée selon laquelle la folk music posséderait un caractère national inhérent. Le nationalisme en musique n'apparaîtrait selon lui qu'à un stade ultérieur, marqué par l'ajout d'ornementation ou par l'harmonisation des mélodies folk. Voici un extrait du cours de McDowell. Un point doit être très distinctement compris, à savoir que ce que nous appelons l'harmonisation d'une mélodie ne peut être considéré comme faisant partie de la folk song. Les mélodies folk sont, sans exception, homophoniques. Ceci étant, peut-être que mon affirmation selon laquelle le principe vital de la folk musique dans son meilleur état n'a rien de commun avec le nationalisme, considéré dans le sens habituel du terme, sera mieux comprise. Et ce sera la preuve que le soi-disant nationalisme est simplement une chose étrangère qui n'a aucune part dans l'art pur. Selon McDowell, il existerait 6 différentes classes de nationalisme musical qu'il décrit de manière très succincte et qui, paradoxalement, elles ne correspondent pas à des nations mais à des aires culturelles ou plutôt des civilisations qui sont donc vastes et imprécises. La première, il la qualifie d'orientalisme, couvrirait les musiques hindoues, maures, siamoises et gitanes. L'ouverture de la seconde rhapsodie de Liszt illustre selon lui cette classe qui serait caractérisée par l'ajout d'ornementation et, je le cite, d'arabesque virtuose. La deuxième classe se manifesterait en Russie et en Europe du Nord et se distinguerait par son style de réitération. La troisième serait marquée par un maniérisme, le Scotch Snap, dont le yodel suisse serait l'illustration la plus exagérée. Un mélange capricieux de rythmes double et triple caractériserait une quatrième classe de nationalisme que McDowell situe en Espagne, au Portugal et en Amérique du Sud, mais qui serait selon lui une variante de l'orientalisme, à l'instar de la cinquième classe observée dans la musique égyptienne, mais aussi, et il trouve cela étrange, dans la musique des Amérindiens du nord de l'Amérique, où il observe, je le cite, « un usage incessant de la seconde augmentée et de la tierce diminuée ». La sixième classe, enfin, posséderait une qualité négative de simplicité et de franchise et serait représentée par la musique allemande. Bien qu'il n'ait pas pour objectif de faire une musique nationale et ne considère pas la folk music efficace dans ce but, puisqu'elle ne possède pas de qualité nationale inhérente, McDowell utilise néanmoins des mélodies amérindiennes collectées par Theodore Baker dans plusieurs de ses œuvres, à commencer par sa célèbre seconde Indian Suite. McDowell reste très élusif quant aux sources qu'il utilise. On ne trouve aucune information dans ses notes de composition sur l'origine ou le contexte culturel des mélodies qu'il emprunte donc à l'ouvrage de Baker publié à Leipzig en 1882 et intitulé « Über die Musik der Nordamerikanischen Wilden ». Ces références aux mélodies amérindiennes servent une volonté d'exprimer des émotions qu'il qualifie de génériques, universelles plutôt donc qu'un caractère national américain. Alors tout cela ne l'empêche pas de donner des recommandations sur la marche à suivre pour fonder une musique américaine. Selon McDowell, pour exprimer son génie, le peuple américain devrait d'abord s'émanciper de la tutelle musicale européenne. Bien que lui ait été, comme la grande majorité des compositeurs américains de l'époque, formé au Conservatoire de Paris et de Francfort, il conclut ainsi son cours. Je le cite « Se déguiser dans le soi-disant nationalisme de vêtements noirs taillés en bohème ne nous aidera pas. Ce à quoi nous devons parvenir est la vitalité juvénile optimiste et l'impitoyable ténacité d'esprit qui caractérise l'homme américain. Voilà ce dont j'espère voir la musique américaine se faire l'écho. On voit que la question du nationalisme musical s'impose même à ceux qui la considèrent avec méfiance. L'idée selon laquelle les compositeurs américains devraient impérativement s'affranchir des normes européennes pour fonder une musique nationale est donc partagée par McDowell, alors même que son usage de la folk music sert à l'expression d'un universalisme musical. D'une certaine manière, la définition par McDowell de l'américanité par sa, je le recite, « vitalité juvénile optimiste » annonce déjà les principes des écoles modernistes des années 20 et 30. Alors, on va écouter un extrait de l'Indian Suite de McDowell, avec pour chef d'orchestre Howard Barlow, et donc ça a été enregistré en 1939 par Columbia.